Je veux avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Que la fête commence, les amis! Ça ira mieux demain, l'émission, avec votre serviteur Benoît, Manon qui est toujours là et Laurent qui n'est jamais très loin. Yeah. Allez, on parle cuisine. Parce qu'il y a eu à un moment donné Destination Cuisine aussi. On aurait pu faire. Oui. Non, je vous parle de ça parce qu'on reste dans le thème et on reste dans les séries. Vous savez qu'à Nancy, vous connaissez Gomu? Ah non, pas du tout. Gomu, je sais quoi ça. Moi j'ai connu Bumbo, mais. Non, c'est Gomu, je crois. C'est une. Regarde voir Manon, Gomu. Bah, c'est j'ai éteint mon ordi. Ah bah super. Son Goku. C'est une série. C'est une série. C'est une chaîne de magasins. Une chaîne de restauration rapide. Je vais y arriver. Ouais, faudrait être clair, parce que là on est un peu perdu. Voilà, là. Donc c'est une chaîne de restauration rapide. Oui, un peu comme hamburger, tout ça. Voilà, ou... qui mélange la cuisine asiatique et un peu anglo-américaine. Ok. Et en fait, pourquoi je vous dis ça dans Ça ira mieux demain l'émission? Parce qu'une série se tourne à Nancy à l'heure actuelle dans ces restaurants-là. Non, parce que c'est inspiré de la série dont le générique de Ça ira mieux demain est tiré. De la série One Piece. Oh, dis donc. Eh, incroyable. Et ça arrive en décembre à Nancy, c'est rue des Ponts. Je crois que ça s'appelle Gomu. G-O-2-M-U. Et il y en a un peu partout déjà en France et ça arrive à Nancy. Donc j'irai voir un peu ce que c'est parce que voilà, One Piece, une grosse série à succès de Netflix et avec plein de musiques. D'ailleurs, toutes les musiques de Ça ira mieux demain, l'émission cette année, sont des musiques de One Piece. Excuse-moi, avant d'être une série de Netflix, c'est à la base un manga, un dessin animé japonais. Oui. Hein, merci, messieurs dames. Avec un wagon d'épisodes. Hein. Et c'est toujours pas fini d'ailleurs. Et c'est toujours pas fini. C'est toujours en production et le manga aussi. Hein. Et le manga, non, le manga n'a toujours pas été. Le manga n'a toujours pas été trouvé. Le manga n'est toujours pas fini et il n'a toujours pas trouvé le trésor. Ouais. Oui, voilà. Et il est toujours aussi élastique. Élastique, effectivement. Enfin bref, ça c'était bonus. J'avais pas prévu de le dire, mais j'y ai repensé tout de suite. Comme quoi, nous sommes bien en direct. Quel talent, 25 ans de radio, mesdames, messieurs. Attention, je vais bientôt passer à 35. Vous allez voir, hop, ça va. Oh la vache, 10 ans dans la tronche. On remonte le temps sur Fadjet à une vitesse vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Le choix musical. Le choix musical de qui? De moi. Eh oui, de Est-ce qu'on aura à un moment donné le choix musical de Laurent? Ouais, j'étais sûr qu'un jour il allait me dire ça. Et pourquoi? Quand on aura mon nom dans le générique, tu pourras. Eh bien, écoute. Et écoute, la semaine prochaine, ton nom sera dans le générique. Et ben, j'en serai ravi. Bref, dans cette grande famille. Et ça me fait plaisir. C'est que voilà, t'as un grand intérêt. Ça me fait plaisir. Bien. Donc ton choix, Manon, cette semaine. Enola de la Starac. Ouais. Voilà, je l'aimais, je voulais qu'elle gagne. Bon, bah, elle n'a pas gagné, c'est dommage. Mais elle a sorti un single. Ouais, elle a sorti comment on appelle ça? Un EP, une espèce de petit. Il y a 3-4 titres, hein, ça se fait. Elle n'a encore pas de sortie d'album, mais voilà, son premier EP et le titre phare, hein, qui est un peu le single qui en est extrait, c'est. Belle et douce. Comme toi. Merci. Pas comme toi, pardon. Non, ça va, je rigole. Allez. Ma belle, non, je suis pas belle. Bah oui. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Beau et doux, c'est la version de moi. Bouche entrouverte, cheveux tes peines. Et les regards à peine. Son corps ondule, transpire la vingtaine. Des envies incertaines. Prête-t-elle une odeur de tabac froid? d'éphémère immédiat. Porte une bague à chacun de ses doigts, de sorte qu'on ne sache pas. Parce qu'elle est belle et douce, les yeux plus, leur désir tombe de l'effleurer. Belle et douce, elle aimait toutes, de n'être qu'une âme atténuée. Elle est belle, elle est douce. L'image se défroissait. Minuit 7, ses cheveux défilent. Elle est seule sur la piste. Rêve d'un amour qui anéantisse. Les hommes leur tentative. Parce qu'elle est belle et douce. Les yeux poussent. Leur désir tombe de J'espère que vous avez apprécié, c'est doux aux oreilles. C'est très bien, merci de cette découverte. C'est qu'on n'entend pas trop, on n'entend pas trop en radio, elle n'a pas eu cette chance-là d'être un peu plus poussée que les autres, qui ont celle qui a gagné, bien sûr, Anisha, et puis aussi les garçons, enfin le garçon qu'on en entend un peu plus. Ah, parce qu'elle, elle est issue de la Starac ? Oui. Ah, je l'ai dit avant, Laurent, on ne fait pas. Excuse, alors, il faut m'excuser, je suis en pleine réa, donc il y a peut-être des phrases, des noms que je ne capte pas. Nous sommes vendredi. Oui. Vendredi, tout est permis. Et oui, et le vendredi, comme tout est permis, je vais parler de mercredi. Mercredi, la série ? Oui, après une première saison couronnée de succès, Netflix s'apprête à lancer la production, et oui, il serait temps quand même de s'y mettre. Seulement ? Des nouveaux épisodes de mercredi. Pareil, parce qu'il y a, eu la grève qui a un peu embêté, et puis c'était un peu compliqué, il a fallu se reposer un petit peu. Et après ce grand succès, puisque rappelez-vous quand même qu'en 2022, puisque c'est tiré de l'univers de la famille Adams, hein, mercredi, la petite fille de la famille Adams, qui s'appelle elle-même Mercredi, et donc qui avait donné le nom à cette série. En 2022, elle avait battu en quelques semaines Stranger Things, la saison 4. Donc, c'était quand même pas n'importe ouais, quoi. Punaise. Et c'est devenu la deuxième série la plus visionnée sur Netflix après... The Last of Us. Netflix. Game of Thrones. Netflix. Casa de Papel. Dallas. Non, presque. Elite. Non, un jeu. LOL. Squid Game. Squid Games. Bravo, Manon. Je suis trop forte pour vous. Squid Games, un jeu ? Oui. Bah oui. Bah, enfin, Squid Games, c'est un jeu. Bah là-bas, c'est une série, mais oui, au moment où mercredi sort, le jeu n'est pas encore sorti. Mais non, mais. Non, mais la série, c'est un jeu. Enfin, c'est Squid Games, c'est quand même un jeu à la base, la série. Ah oui ? Ah oui. Quel jeu ? Bah oui. D'ailleurs, c'est bientôt, non, que sort le... Le jeu. Mais c'est ça qui est perturbant. T'as la série et le jeu. Le jeu de télé-réalité. Enfin, le jeu de télé-réalité adapté de Squid Games. C'est pour bientôt. C'est à la fin du mois, je pense. Ou c'est peut-être ce week-end-ci. S'il flotte, on vérifiera. Et voilà, une bonne idée. Donc, je reviens à mercredi. Donc, mais là, on est vendredi. Mais on est toujours vendredi. Cette saison 2, qu'est-ce qu'on en sait de cette saison 2? Eh bien, vous savez quand même que l'actrice, l'héroïne, a décidé, l'héroïne Jenna Ortega, est devenue aussi productrice de la série. Elle est investie donc, dans cette tâche-là. Et elle a voulu qu'on abandonne un petit peu les histoires d'amour adolescente pour se consacrer à l'horreur, pour revenir un petit peu à la base de la famille Addams. Et donc, on va se concentrer sur les membres de la famille Addams, puisqu'ils étaient plutôt en arrière-plan dans la première saison. Ils vont reprendre plus de lumière à mesure que va progresser le récit. On ne sait toujours pas qui sera derrière la caméra, car c'est important, c'est lui qui va aussi donner la tonalité de la série. Puisque rappelez-vous que c'était Tim Burton qui avait réalisé les 4 premiers épisodes avant de passer la main à d'autres cinéastes. On ne sait pas encore s'il reviendra dans cette saison 2. Mais voilà, et attention, la saison 2, le tournage débutera, alors c'est encore pas pour tout de suite, c'est au printemps 2023. Donc on n'est pas prêt de revoir la série avant 2024, au printemps 2024, pardon, on est en 2023. Et donc, à mon avis, on a peu de chances de revoir mercredi avant 2025, début 2025. Alors, comment vont orchestrer ce long tunnel de production les plateformes de vidéos à la demande ? Les inédits, à un moment donné, ça va manquer. Bah oui, c'est effectivement, il y a quand même... Déjà là, on a déjà pris du retard, parce que c'est quand même... ça fait plus d'un an hein, que c'était sorti pour Halloween de l'année dernière. Donc ça fait un an qu'on a regardé mercredi. Et là, à mon avis, ce ne sera pas avant. Idéalement, effectivement, cette série-là, c'est bien de la regarder en octobre, qu'elle sorte en octobre au moment d'Halloween. C'est plutôt sympa à regarder. Apparemment, ça ne pourra pas être prêt pour Halloween 2024. Donc, à voir comment cela... Alors, il y a certaines plateformes comme Paramount, comme Netflix ou Amazon qui peuvent s'en sortir à peu près facilement, entre guillemets. Mais quand j'entends les commentaires qui peuvent exister sur Disney+, où pas vraiment de nouveautés et le catalogue est toujours le même... alors quand on sait que pour les actionnaires le rendement les bénéfices ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, ça va être un peu compliqué. C'est moi qui arrive là pour Disney, non? Oui. Bah il va y avoir des difficultés un peu chez tout le monde là, et on sent qu'on tente beaucoup de séries, et là je vais vous en parler d'une autre qui vient parce que comme on n'a plus trop de grosses séries américaines, on va en chercher un peu ailleurs. Rappelez-vous, déjà, il y a la Pologne. On a déjà eu 2-3 petites pépites polonaises. Je vous ai déjà parlé de 2-3 séries polonaises. Et puis là, je vais vous en parler d'une brésilienne qui s'appelle Le Code du Crime et qui est sortie cette semaine sur Netflix. Et c'est annoncé comme une petite pépite. C'est une série inspirée d'une histoire vraie qui nous plonge dans le quotidien d'un groupe d'agents fédéraux qui enquête sur un brassage. Sur un braquage. Rien à voir, hein, parce que entre un brassage de je ne sais quoi et un braquage, on a quand même un fossé. Alors, et la particularité de cette série, foutez-vous de moi, Le Code du Crime sera un mélange entre la réalité et l'imagination des réalisateurs. Le braquage au centre de l'intrigue a cependant réellement eu lieu. En 2017, des gangsters brésiliens... 2017 En 2017 On te pardonne, t'es fatigué. 2017 C'est pas possible. Hein. On va faire des émissions en différé, comme ça je serai plus embêté. On pourra couper au montage et pour y refaire. En 2017, donc, des gangsters brésiliens ont décidé de s'attaquer au coffre-fort d'une société de convoyeurs de fonds. Une cinquantaine d'hommes armés se sont acharnés durant presque 3 heures avant de parvenir à mettre la main sur l'intégralité du butin. Ils ont ainsi empoché 125 millions de reals. quoi comme nom de réal plutôt, je fais l'anglaise, de réal brésilien, la monnaie brésilienne, soit presque 24 millions d'euros. Alors là, tout de suite, ça nous fait penser à quelque chose quand même. Hein. Casa de Papel. Yes, Manon. Et donc, voilà, cette histoire vraie sert de base pour le code du crime. Et dans cette traque de criminels, eh bien, on va s'attaquer aux agents fédéraux qui vont donc découvrir un réseau ultra organisé et presque intouchable. Les agents fédéraux Benicio et Suelen, que l'on salue au passage. Je ne savais pas qu'elle avait tourné dans une série brésilienne. Les célèbres. Incarnés respectivement par Romulo Braga et Maeve Jenkins, essayent désespérément de faire respecter la justice et risquent leur vie dans un pays gangréné par la corruption. Au fur et à mesure, nous découvrirons leur parcours personnel et professionnel, ainsi que les sacrifices et les choix difficiles auxquels ils vont être confrontés dans leur lutte contre le crime. Voilà pourquoi ça s'appelle certainement le code du crime. On joue sur les mots, puisque le code du crime pour atteindre le butin des malfaiteurs, mais aussi le code du crime pour arriver à déjouer cela à travers des intrigues aussi personnelles pour les enquêteurs voilà, qui vont donc devoir y voir plus clair. Ça donne envie et ça, c'est un autre style un petit peu de série. C'est brésilien. Alors, c'est aussi ça aussi qui peut... Des fois, on n'a pas l'habitude. Hein. C'est une manière différente de tourner. Des fois, ça choque un peu. On a vu ça un peu pour une série polonaise. Puis même le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs, voilà. C'est pas tout à fait pareil. Il faut avoir l'habitude, il faut rentrer dedans. Mais je pense que c'est une série qui a coûté très, très cher. Une des séries les plus chères brésiliennes. Il y a d'énormes effets spéciaux. Voilà, ça, normalement, ça doit se voir à l'écran. D'ailleurs, la dernière série brésilienne qu'on a vue, c'était Cannes Police Criminelle. Et on a eu un problème, pareil, avec le doublage. Il se moque. Allez, je vais faire un petit tour de prestidigitation et on se retrouve avec le palais hein, dans quelques instants. Mais avant ça, c'est son nouveau titre. Elle a fait un gros carton. Elle a été numéro 1 du Hot 40 à la fin de l'été avec la série générique, avec Barbie. C'est bien sûr Dua Lipa qui, vendredi dernier, a sorti son nouveau single tiré d'un album qui apparaît. Ça s'appelle Houdini. Houdini, vous savez tous ce qui est Houdini. Bah, le magicien. Le grand magicien. Oui, celui qui s'enfermait dans un truc de flotte, là. Exactement. Et donc, il a inspiré Dua Lipa. Voici son nouveau titre. Or I go Houdini, I come and I go. Prove c'était Dua Lipa avec Houdini. Un tour de prestidigitation et hop, voici, nous voici au palais. Bienvenue au palais. Et là, on change d'ambiance. Hein. On change d'ambiance parce que là, je vous propose notre série des bandes annonces. Vous savez, le palais, c'est là où on ouvre notre boîte de Pandore pour faire sortir nos bandes annonces. Et là, nous allons dans trois styles différents. Le premier, c'est l'horreur. Oui, parce que l'horreur existe dans le monde. Et on a fait ressurgir un monstre cette semaine. Monarch Legacy of Monsters sur Apple TV+. J'ai reçu le mail. J'ai vu l'affiche. Ah. De la série. Ça a l'air d'être impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Godzilla revient rugir sur Apple TV+, après un reboot au cinéma suivi d'un deuxième opus et d'une rencontre explosive avec le roi King Kong. L'univers des monstres se déploie sur la plateforme de SVOD avec cette nouvelle série. Cette première saison est dédiée à Monarch, la société mystérieuse qui semble en savoir bien plus sur les créatures géantes qu'elle ne le prétend. Le spin-off paraît bénéficier des moyens énormes d'Apple avec des effets spéciaux et une bonne dose de spectacle. Voici la bande-annonce. Ils y étaient, à San Francisco. Toute la ville brûlait. Et ces mecs-là, ils prenaient des photos. On aurait dit qu'ils s'attendaient que ça. Tu crois que votre père travaillait avec ces hommes? On a trouvé ça dans son coffre. Qui êtes-vous? C'est quoi, Monarch? C'est le monde dans lequel nous vivons. Les monstres sont une réalité à laquelle on ne peut échapper. Ces fichiers nous appartiennent. Et ils sont bien plus importants que ce que vous pourriez imaginer. Cette vision va me donner des cauchemars. Alors soit vous croyez les mensonges de Monarch sur la disparition de votre père, soit on essaie de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé avant qu'il soit trop tard. Ce monde ne nous appartient pas. Vous pouvez me croire. Il est nettement plus vaste que ce qu'on imagine, même dans nos rêves les plus fous. Ces monstres et Monarch, ils m'ont volé tout ce que j'avais. C'est terminé. Foncez ! Le monde est en train de brûler. Si vous voulez sauver des millions de vies, on a besoin de toute l'aide possible. Bande-annonce qui donne envie, et encore, vous n'avez pas l'image, parce qu'à la fin, là, les dernières secondes de cette bande-annonce, on voit un monstre énorme. Je vous l'ai bien fait, là. Mais qui n'est pas Godzilla. Maintenant, il est monstre, quoi. C'est un monstre. Allez, j'espère qu'il s'est lavé les dents. On change d'ambiance avec la plateforme de streaming d'Apple qui a dévoilé début novembre une nouvelle création originale qui devrait séduire les amateurs de l'histoire victorienne et des séries en costume d'antan. Il s'agit de Buccaneers. Si vous avez adoré la chronique de Bridgerton, dont on attend toujours la saison 3, eh bien, vous adorerez The Buccaneers, une création inspirée du roman inachevé éponyme d'Eddie Wharton, romancière du XXe siècle. L'histoire, adaptée pour le petit écran, révèle une facette plus pop et moderne dans son esthétisme général, comme celle racontée par Lady Whistledown, mais garde bien les codes de 1870, époque à laquelle se déroule l'intrigue. La traduction française de Buccaneers, est-ce que vous avez une idée, si vous êtes très bon en anglais ? Eh bien, ça veut dire les boucaniers. Et qu'est-ce que sont des boucaniers en français ? Ce sont un nom que l'on donnait à certains aventuriers. C'est une définition du Larousse. Et c'est avec un peu de cette façon que les cinq héroïnes, qui sont les Buccaneers, sont considérées par l'aristocratie britannique dès leur arrivée à Londres. Elles s'appellent Nan, Lizzie, Mabel, Conchita et Ginny. Elles sont les héritières de nouveaux riches de New York. Snobées par les bourgeois de la grosse pomme, elles le seront également outre-Atlantique par les riches attachés aux traditions et à la bienséance. Et à votre avis, quel est le but de ce voyage pour ces demoiselles ? Trouver un mari. Oh ! Je l'avais. Bravo, Laurent. Trouver un mari et ça y est, je passe devant Benoît. Et ainsi donner du crédit à leur nom, Saint George, Elmorth et Clotham. Mais ces amies inséparables, aussi romantiques soient-elles, tiennent aussi à leur liberté. The Buccaneers tient à son genre dramaturgique, qui a d'ailleurs fait la renommée de la chronique de Bridgerton ou de Downton Abbey. Mais rythme les 8 épisodes à venir avec un certain féminisme. Les filles, trinquons au mariage, aux hommes, aux fêtes. Et pas forcément dans cet ordre. Mes chéris, nous passerons toujours en premier. Il semblerait que pour les jeunes filles d'un certain raffinement, New York soit devenu trop limité. Je suis tout à fait d'accord. Je vous invite à venir avec vos filles à Londres. À Londres ? Londres, Londres ? Le bal des débutantes. Les Américains, ce sont de nouveaux riches. Je suis sûre qu'ils ont des manières abominables. Nous n'avons plus qu'à serrer les dents et penser à sa fortune. Trinquons un nouveau monde. Redressez les épaules, la tête haute. N'aie jamais peur de rien. Oh, veuillez m'excuser. Je suis désolée, je m'appelle Nan. À peine revenue de New York. Imaginez une romance passionnée avec un beau lord anglais. Il est évident que ça ne t'intéresse pas du tout d'être admirée. C'est une chose que je peux très bien faire toute seule. I pay attention to things that most people ignore. On dirait du bétail. Vous êtes plutôt dure. Je les trouve charmantes. Oui, mais ce sont des êtres humains qui sont drôles et spirituels. Les filles que je côtoie ne pensent pas et ne parlent pas avec autant de liberté, ni avec autant de passion. Imaginez ne pas réaliser être en présence d'un duc. Ah, c'est encore une de vos... Quoi ? Donne-moi une seule bonne raison qui t'empêcherait d'être duchesse. Il est impossible que... D'ailleurs, c'est quoi une duchesse ? Voici Guy Twart, mon plus vieil ami. Tu la connais ? Oui. Elle se déplace d'une façon tout à fait surprenante. Tu as remarqué ? Oui. On apprend que si une histoire n'est pas une histoire d'amour, c'est une tragédie. Au moins, on est ensemble. Ginny, et si c'était le grand amour ? Bonté divine, quelle lady vous faites ? La lady que j'ai toujours voulu devenir. Voilà, c'était nos deux belles séries. On s'arrêtera là parce qu'il est déjà passé 30. Série m'a donné envie. En plus, il y a du Olivia Rodrigo dedans. Oui, exactement. Je regarderai. J'allais le dire, trois premiers épisodes qui ont été mis vers le 8 novembre. Et il y a un épisode tous les mercredis jusqu'au 13 décembre. De quoi attendre des fêtes de Noël. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Laurent dès 18h pour Destination Série. Et puis, pour Ça ira mieux demain, une heure plus tard avec Manon également. Le Haut de 40, c'est dans quelques minutes, dans moins de 29 minutes maintenant, avec la révélation du nouveau classement. Et puis, bon week-end à toutes et à tous. Cette fois-ci, j'ai même pas été annoncée dans Destination Série. Bah si. Non, t'as dit dans... Oui, mais enfin, on est interchangeables. Bon bref, bon week-end. Donc cette semaine, je vais faire une promo, mais alors, il me faut un personnage ou une photo pour annoncer que Manon fait partie de Destination Série. Exact. Ah là là. Allez, en attendant, passez un très très bon week-end et essayez de passer entre les gouttes. C'est tout ce que je vous le souhaite. Bah, bon courage. Hein. On si vous y arrivez. Faire Destination Météo. Non, mais allez, bisous bisous. Bye bye. Bye bye. À vendredi. Faudrait que je te serre dans mes bras mais j'hésite. Faudrait que je te prenne contre moi mais j'évite. Je t'aime et j'impose à toutes tes larmes de couler. Et qu'on se pose sur la notion d'âme, d'amitié. Compte sur moi pour que ton cœur sous ton t-shirt. Et bientôt tous ces voyants qui clignotent. C'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey.